Mais maintenant, voici la dernière conversation entre Hélène et André, et aussi la suivante. Here's the last conversation between Hélène and André, and also the next. Hélène, ça va? Ça va bien, merci André. Et vous? Très bien. Je travaille cette semaine avec une société italienne. Ah oui! Et vous aimez bien la cuisine italienne, n'est-ce pas? J'adore la cuisine italienne. Et vous? Comment? Ah, la cuisine italienne! Non, non. Vous êtes aussi au salon? Oui, moi aussi. Je travaille avec Monsieur Wickham ici. Voici un collègue, André Valois. André, je vous présente Monsieur Wickham. Monsieur Valois? Bonjour. Pleased to meet you. Ah, vous êtes anglais, n'est-ce pas? English? Oui. Enchanté. Parlez-vous français? If that's what I think it is. Do I speak French? Oui. Non. Mais si, maintenant, vous avez beaucoup de mots. That's very kind, Hélène, but... Pardon, Monsieur Valois, Je comprends, mais pas de monsieur, s'il vous plaît. André. I'm sorry. Call him André. Oh, right. And I'm George. Entendu, George. And look, Hélène, please call me George, too. Oui, très bien. Merci. George. George. Sounds good, the French way. Look, if you'll excuse me, I better study this fax. Is it urgent? It's from head office. I'll ring them this afternoon. Entendu.